Bonjour Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Et si on apprenait à pleurer ? Contrairement à ce que chante The Cure, les hommes pleurent aussi. Dans l'Iliade de Homère, c'est même à cela, entre autres, que l'on reconnaît un guerrier. Celui qui sait se battre, certes, mais aussi celui qui sait pleurer. Alors rangez vos mouchoirs et laissez venir les larmes. Écoutez comment Achille, Hector et Agamemnon passent du combat aux pleurs en un clin d'œil. Et ce qu'Homère nous dit du héros et de la virilité dans sa peinture des personnages larmoyants au combat. Bonjour Hélène Monsacré. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes helléniste et éditrice chez Albin Michel et aux Belles Lettres. On vous doit un ouvrage qui s'appelle « Les larmes d'Achille, héros, femmes, souffrance » chez Homère aux éditions Le Félin. C'est le thème de notre émission, hein, ces larmes. Et c'est vrai qu'on dépeint toujours l'Iliade comme un récit épique, violent, ultra-violent, sanglant, mais c'est aussi un récit où les personnages pleurent quasi en permanence. En effet, ils pleurent beaucoup. Les plus grands des héros pleurent. Et le plus grand d'entre tous, Achille, est celui qui vraiment a le record des pleurs. Et il pleure violemment. Il pleure avec force. Il pleure comme des héros. Ça veut dire que les héros pleurent? Oui. Ça veut dire que les héros pleurent. Ça veut dire qu'ils pleurent à peu près de la façon qu'ils ont de combattre, ils pleurent avec la même puissance. Et le texte nous dit très précisément, de très nombreuses comparaisons, de très nombreuses images sont équivalentes. La force du guerrier, son ardeur au combat, sa prestance, sa puissance, on va les retrouver aussi dans sa façon de pleurer. Et les mots, les images sont souvent les mêmes. Peut-on aller jusqu'à dire que pleurer est un signe de virilité ? C'est ce que je pense, et je ne suis pas la seule, mais c'est ce que je crois le texte tout simplement nous montre. Parce que si vous prenez Achille, c'est l'Iliade d'une certaine façon. Achille, c'est le plus grand des héros. C'est celui qui est dans la démesure absolue, c'est celui qui réussit les exploits les plus fous, les plus violents. Quand il ne combat pas, il pleure. Et il ne pleure pas pour occuper son temps, il pleure parce que, un, le début de l'Iliade, on lui a volé sa part de butin, on lui a fait, on a attenté à son honneur, ça c'est Agamemnon. Donc il se replie, il se met au bord du rivage et il pleure sur sa destinée, qui est quand même de souffrir et d'être de façon inadmissible, bafoué. Donc là sont des pleurs de colère, comme vous l'avez bien montré toute cette semaine. Cette colère, c'est le fil rouge de l'Iliade. Ensuite, donc, il se retire du combat, parce que, voilà, il est fâché. Et quand il va découvrir la mort de Patrocle, son ami si cher, son double... Qui s'est battu à sa place, avec ses armes, lesquelles armes sont... Ça, c'est très beau aussi dans le texte. S'adapte à Patrocle comme elle s'adaptait à Achille, ce qui n'est pas possible dans un autre cas de figure. Quand Hector prend les armes d'Achille, qu'il a qu'il a récupéré sur le champ de bataille, sur le corps de Patrocle, il faut l'aide d'un dieu, j'oublie lequel, pardon, qui doit ajuster les armes au corps d'Hector. Patrocle, non. Bon, donc, quand il découvre la mort de Patrocle, c'est un drame absolu, c'est une souffrance terrible. Et là, l'action, si l'on peut dire, est suspendue. Et Achille ne va plus faire que pleurer. Et cette mise à l'écart de la vie va s'accompagner d'un certain nombre de comportements, d'attitudes qui sont ce qui qualifie dans d'autres circonstances le héros, masculin, viril, la force, l'ardeur, etc. Donc, si vous voulez, Achille, quand il ne combat pas, pleure, mais il pleure comme il combat, et peut-être on va pouvoir le préciser un peu. Et vous êtes là pour ça, et on s'en réjouit, on va écouter plusieurs textes ensemble. Avant d'écouter le premier, qui est un extrait du chant 13, où Poséidon vient au secours des Achéens, et on entendra l'importance du corps en général chez ces guerriers, les larmes n'étant finalement qu'une extension, qu'une expression de ce corps. Précisez-nous dans quelle mesure est-ce que cette importance des larmes dans ce texte est propre à Homère. Je veux dire, dans quelle mesure est-ce un ressort poétique, dramatique, ou bien une sorte de reflet d'une autre conception du masculin ou de l'homme à l'époque? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses dans votre question. D'abord, c'est la question globale et très très compliquée de l'expression des sentiments et des émotions. Chez Homère, les émotions s'expriment, qu'elles soient la douleur, la colère, l'envie, la joie, etc., avec des images concrètes. Et qu'est-ce qui est plus concret que le corps? Peu. Donc, les émotions s'expriment par le corps. La peur, le courage, la faim, la tristesse, la douleur, les larmes. Ensuite, il est clair que dans ce poème guerrier de l'Iliade, bien évidemment, ce sont les hommes qui sont à la tâche. Et il y a tout un code d'honneur. On a évoqué à l'instant la colère d'Achille qui est suscitée parce qu'il se sent bafoué. Ce code de l'honneur commande de montrer sa force. Est-ce que montrer sa force est contredit par le fait de montrer sa force en pleurant? En fait, c'est ça la question. Oui. Je pense que non. Et je pense qu'au contraire, tout le poème montre bien que lorsqu'Achille pleure, il est certes hors du combat, mais il est en proie à une telle force, il dégage une telle violence, que ce sont ses qualités propres de super-héros, de super-combattants, dont il fait la démonstration. Et c'est ça qui est beau, de voir que dans un grand poème guerrier, très ancien, dans une mentalité que l'on peut qualifier d'archaïque, eh bien, le fait d'exprimer ses sentiments pour un homme, de les exprimer jusqu'à sangloter de manière absolument effroyable, en gesticulant avec une force qui est aussi dite par le son que ces sanglots produisent, c'est quelque chose qui est compatible avec l'idée d'être un homme très viril. Alors on va entendre un texte ensemble qui permet d'entendre l'importance du corps et des qualités corporelles, de la force corporelle des guerriers dans l'Iliade, comment cette force-là authentifie finalement le caractère héroïque. C'est un extrait où Poséidon vient au secours des Achéens. Il s'agit de deux Ajax, il y en a deux, alors le thème de la dualité est très très présent dans l'Iliade. Et écoutez comment la manière qu'a Poséidon de redonner force à Ajax pour se battre passe par une description du corps. Et écoutez, quelle description, c'est un texte magnifique, ainsi que ce qu'on entendra aujourd'hui d'ailleurs en particulier. Les touchant de son bâton, Poséidon, le maître de la terre et branleur du sol, emplit les deux Ajax d'une fougue puissante. Il assouplit leurs membres, leurs jambes d'abord, puis en remontant leurs bras. Après quoi il prend son essor comme un faucon à l'aile prompte qui, s'élevant d'un haut rocher abrupt, se jette à travers la plaine à la poursuite d'un oiseau. Ainsi, loin d'eux s'élance Poséidon, ébranleur du sol. Mais le fils d'Oïlé, le rapide Ajax, l'a déjà le premier des deux reconnu. Aussitôt, il s'adresse à Ajax, fils de Télamon. Ajax, c'est un des dieux maîtres de l'Olympe qui nous invite ainsi, sous les traits d'un devin, à lutter tous deux près des nefs. Non, ce n'est pas Calchas, le devin inspiré du ciel. J'ai, par derrière, sans peine reconnu, alors qu'il s'éloignait, l'allure de ses pieds et de ses jambes. Les dieux se laissent aisément reconnaître. Et voici justement mon cœur en ma poitrine qui sent l'envie grandir en lui de guerroyer et de se battre. Voici sous moi mes pieds et remontant mes bras qui déjà frémissent d'ardeur. Ajax, fils de Télamon, en réponse alors lui dit « Moi aussi je sens à cette heure autour de ma lance frémir mes mains redoutables. Déjà ma fougue monte et sous moi mes deux pieds prennent leur élan. Je brûle d'aller même seul combattre Hector, fils de Priam, dans son ardeur sans mesure. » Tels sont les propos qu'ils échangent dans le joyeux entrain pour la bataille qu'un dieu vient de leur mettre au cœur. Les bras qui frémissent d'ardeur et le cœur qui bat en la poitrine, c'est sur France Culture, les chemins de la philosophie. Ajax qui retrouve le goût du combat grâce à Poséidon. On chante 13 de l'Iliade, dont nous parlons cette semaine aujourd'hui, en compagnie de l'helléniste Hélène Monsacré. D'ailleurs, Hélène, c'est vous qui avez suscité la guerre de Troie. C'est une homonyme. Bon, on va le dire comme ça. Alors le texte qu'on entend a quelque chose de très très imagé, de très concret en même temps. On sent le goût, le soin que met Homère a décrit chaque partie du corps comme étant l'expression de la force. Absolument. Et c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'est les émotions. Là, c'est une grande émotion. Quand le courage vous envahit, clairement, on est dans l'émotion. Eh bien, toutes ces formes, parlons du courage en l'occurrence, s'exprime de façon très concrète, très imagée. Les mots, le ménos, c'est-à-dire la force, s'enfonce dans le corps du guerrier. Ses pieds se mettent à frémir, ses genoux vont se plier, le guerrier va vérifier qu'il est souple et qu'il est à la fois solide sur ses pieds, planté sur ses pieds, et souple. Ses bras vont se mettre à frémir, à ressentir le spasme, la force de la contraction musculaire. Je ne parle pas de l'intérieur du ventre, etc. Et on pourrait continuer, parce que beaucoup d'autres passages dans l'Iliade montre l'emprise du courage sur le corps d'un héros qui va aller combattre. Ses cheveux flamboient, ses yeux irradient, envoient des éclairs, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça qui est très beau, c'est que c'est le corps dans son entier qui est mobilisé, qui se met à être habité littéralement par un désir. Les mots aussi sont toujours très intéressants parce que c'est Eros, c'est-à-dire le désir qui va être le même mot pour dire l'envie de l'amour. Hein. Donc le désir de combattre, il s'inscrit à l'intérieur du corps et sur le corps. Il est aussi une sorte de vitrine, c'est-à-dire que le héros qui se met à se préparer à l'affrontement émet des signaux, vraiment, que l'autre en face... Souvent, les grands moments sont des duels. Hein, donc, il y a deux champions qui s'affrontent. Celui qui est en face comprend très bien. Et quand c'est Achille, c'est terrible. Parce que c'est encore bien pire, bien plus fort, bien plus cosmique que ce qu'on vient d'entendre, qui est déjà plutôt sérieux. Achille est absolument terrifiant. Comme s'il y avait une volonté de Homère de se tenir toujours... à l'extérieur. En fait, il n'y a pas de psychologie des personnages. On ne sait pas ce qu'ils pensent, mais ils sont dépeints avec précision, oui. Avec le présupposé que le corps va exprimer les émotions. Oui, absolument. Absolument. Et ces émotions, là, on évoquait le courage, mais elles sont presque terme à terme. Et ça n'est absolument pas parce qu'il y aurait une pauvreté dans les stocks d'images. On va trouver les mêmes descriptions qui vont être appliquées avec chaque fois une petite nuance, mais qui sont toujours dites dans le même registre, c'est-à-dire quelque chose s'insinue en vous, pénètre en vous, de façon très précise, quand on va parler, par exemple, d'un guerrier qui va être envahi par la peur, par exemple, un guerrier face à Achille, c'est son cœur frémit, mais frémit non pas en palpitant d'ardeur, mais en palpitant de peur. Ses genoux vont commencer à trembloter. La crainte première, c'est d'avoir les genoux qui lâchent. Ses bras vont être absolument tétanisés, etc. Vous voyez, donc ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont tantôt en positif quand il s'agit d'exprimer une ardeur qui va être offensive, et la même chose va se produire quand on est soit dominé par la crainte, soit terrassé par l'amour, qui se dit à peu près avec les mêmes mots, soit épuisé et dompté par le sommeil. Et in fine, bien évidemment, de la même façon, la mort. Ce sera toujours la même chose. Hein. C'est-à-dire les genoux qui lâchent, l'éclat qui s'éteint dans l'œil, le corps qui tombe et qui n'est plus que rien. Si le corps est le support de ces émotions, l'expression de ces émotions, alors qu'en est-il des corps féminins? Puisqu'on a dit que les héros masculins, enfin, les héros pleuraient, les femmes aussi pleurent dans l'Iliade. Est-ce que c'est un autre type de langage corporel, pour reprendre une expression contemporaine? Oui, absolument. Alors, c'est vraiment un autre langage. Alors, beaucoup plus réduit, comme par hasard. Beaucoup plus réduit, beaucoup plus stéréotypé. Alors certes, on pourra peut-être parler de certaines grandes figures féminines dans le poème. On les gardera pour la fin. On les gardera pour la fin. Mais enfin, c'est quand même très stéréotypé. Alors qu'est-ce qu'elles font les femmes? D'abord, elles sont, comme on le comprend dès le début du poème, elles sont le butin. C'est ça, vous parliez du butin volé à Achille, en fait c'est une femme. Voilà, c'est une femme. Alors dans les butins, petite parenthèse, que les guerriers gagnent au cours de leurs exploits, il peut y avoir 3 femmes, 4 chaudrons, 2 vaches, enfin vous voyez, c'est une unité, une mesure de... Voilà. Là donc la femme, elle est potentiellement une victime. Quand elle n'est pas une victime, elle est protégée par soit son père, Chryséis au début, la fille du prêtre, soit son époux, soit son fils, à peu près. Et elle pleure sur sa petite condition. Je ne veux pas trop caricaturer, parce que dit comme ça, c'est un peu sot. Le poème est si beau qu'il faut le lire avant tout. Mais les femmes ont beaucoup moins de possibilités de sortir d'un certain espace, donc, c'est-à-dire l'intérieur toujours, et elles sont cantonnées à des activités très, elles aussi typées, la famille, le tissage, etc. Et elle pleure sur la guerre à Troie. Les femmes, les Troyennes, nous ne voyons que des Troyennes à l'intérieur de la cité, bien évidemment, et puis quelques-unes, dont Briseis, qui sont des esclaves ou des proies de guerre. Bon, ces femmes sont condamnées à souffrir de la guerre. Donc, elle pleure. Et comment pleure-t-elle? Elle pleure de manière absolument passive. Oui, j'ai remarqué que lorsque les femmes pleurent, on a des adjectifs de gémissant, plaintive, des mots qu'on ne trouve pas quand les hommes pleurent. Et elle pleure de façon, je dirais, calme, enfin apaisée. Bon, il y a quelques moments un peu paroxystiques, au moment des funérailles d'Hector, mais qui est le grand Troyen. Mais elle pleure, elle se liquéfie, elle fonde, elles altèrent leur beauté, elles détériorent leurs belles joues. Voilà. Parce qu'il faut dire que si les hommes, si les héros de l'Iliade pleurent, ça ne veut pas dire pour autant que le féminin est valorisé, au contraire, et ça il faut le préciser, parce qu'aujourd'hui c'est comme il y a eu un renversement des larmes, c'est-à-dire qu'au contraire, tout ce qui relève du féminin, vous l'avez dit, associé à l'intérieur, à une forme peut-être de lâcheté. Au chant 2, on peut lire « Ah, poltron, lâches infâmes, achéennes, je ne peux plus dire achéen ». Bien sûr. L'insulte, c'est d'appeler achéennes les achéens, donc de les féminiser. On a cœur de biche, mauvaise chienne, palombe, craintive, voilà. Ce sont des insultes féminines. Absolument. Donc les larmes peuvent être un signe de force, mais pas le féminin. Pas le féminin. En tout cas, pas... pas la plus grosse partie du féminin. Et sinon, en matière d'insultes, évidemment, le féminin est ce qu'il y a de plus infamant pour un guerrier. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas que les femmes, les petites filles, les pauvrettes, hein. Il y a aussi les femelles. C'est-à-dire que les animaux qui sont le signe de la lâcheté, de la faiblesse, sont des femelles. Des brebis, une petite palombe, une chienne, alors ça c'est encore autre chose, mais c'est toujours féminin. Alors on reviendra sur les figures féminines dans l'Iliade, puisqu'il, évidemment les choses sont un peu plus nuancées que ce qu'on en a dit, même si tout cela est vrai. Bien sûr. Je voudrais qu'on entende un texte à présent qui montre un Achille extrêmement triste, défait par la tristesse, qui pleure juste avant et qui pleurera juste après. Mais dans ce texte en particulier, Homère ne décrit pas les larmes roulées. Mmh. Et pourtant, la description du corps et de ses mouvements, de ses gestes, attestent tous d'une tristesse absolument infinie. C'est lorsqu'il découvre que son ami Patrocle, qui s'est battu à sa place, puisque lui avait décidé de déposer les armes puisqu'on lui avait volé Briseis, vient de mourir. Écoutez ce texte lu par Georges Clesse. Voici que d'Achille s'approche le fils de l'illustre Nestor, qui verse des larmes brûlantes et lui dit l'affreuse nouvelle. « Hélas, fils du brave Pélée, tu vas apprendre la cruelle nouvelle de ce qui n'eût jamais dû être. Patrocle gît à terre. On se bat autour de son corps sans armes. Ses armes sont aux mains d'Hector, au casque étincelant. Il dit. Un noir nuage de douleur aussitôt enveloppe Achille. À deux mains, il prend la cendre du foyer, la répand sur sa tête, en souille son gentil visage. Sur sa tunique de nectar, maintenant s'étale une cendre noire. Et le voici, lui-même, son long corps allongé dans la poussière. De ses propres mains, il souille, il arrache sa chevelure. Les captives, butin d'Achille et de Patrocle, le cœur affligé, poussent de grands cris et sortent en courant entourer le vaillant Achille. Toutes de leurs mains se frappent la poitrine, aucune qui ne sente ses genoux rompus. Antiloque, de son côté, se lamente et verse des larmes. Il tient les mains d'Achille, dont le noble cœur terriblement gémit. Il craint qu'il ne se tranche la gorge avec le fer. Mais Achille a poussé une plainte terrible, et sa mère Auguste l'entend au fond des abîmes où elle reste assise auprès de son vieux père. À son tour, elle gémit, et aussitôt des déesses l'entourent, toutes les filles de Néré qui habitent l'abîme marin. Quel texte incroyable, Hélène Monsacré, que cette description du corps d'Achille qui se tord de douleur, qui se recouvre le visage de cendres et gît par terre, tel le cadavre de son ami. Alors c'est vrai que c'est un texte absolument admirable et qui nous permettra de voir justement là les deux sphères, les femmes qui vont pleurer là. Elles sont au fond des abîmes. Oui. Alors, il y a les servantes, enfin, il y a les esclaves, les prisonnières, et ensuite, il y a la mère qui surgit du fond des flots, Thétis. Alors, Achille, effectivement, est allongé. Son grand corps, les mots sont extraordinaires, son grand corps, sa chevelure est souillée, les mains sont ses mains puissantes. Antiloque, je crois que c'est Antiloque, lui tient les mains de peur qu'il ne se tranche la gorge. Si vous voulez, dans ce passage très très très intense, se concentre vraiment le maximum de l'horreur. Et Achille, qui est foudroyé par la douleur, qui pleure après, avant et beaucoup encore après, Il est dans la position du mort. Il est comme Patrocle, vous l'avez dit. C'est-à-dire que ce qui se passe sur le champ de bataille, et c'est aussi la crainte toujours des guerriers, c'est le corps enlaidi, le corps abîmé, déchiré, et ce corps qui n'est pas récupéré, si l'on peut dire, soit par les proches, les compagnons de combat, soit par la famille, c'est ce qui va se passer pour Hector. Ce corps doit être pleuré. Il doit être pleuré lors de funérailles. Et là, on a aussi cette partie du rituel qui est annoncée dans ce passage exceptionnel. On voit les prisonnières sortir, pousser des cris, ce qui se passe pendant la lamentation funèbre que les femmes conduisent généralement. Hein. Et Thétis, du fond des abîmes, remonte pour pleurer. Donc la mère d'Achille. La mère d'Achille, pour pleurer avec son fils, mais pour pleurer son fils, très clairement, puisqu'il est dans la position d'un mort, on l'est dit, abîmé, et elle le fait en donnant le signal de la plainte. Ça, c'est très intéressant, parce que tout à l'heure, nous évoquions les pleurs des femmes, complètement passifs et assez limités. Limités à la nuance près que leur rôle aux femmes dans les funérailles est très important. Elles lancent, elles donnent le signal de la plainte. Elles le donnent par un cri plutôt aigu. On a entendu les cris aigus. Elles se déchirent les joues, généralement. Elles tirent les cheveux, ce qui rappelle les pleureuses de la Méditerranée, même probablement encore actuellement. Et là, on a un télescopage absolument extraordinaire. D'abord, la force incroyable de cette expression de la douleur à travers ce grand corps. Deuxièmement, l'enlaidissement qui est une manière de dire la mort prochaine d'Achille. Et enfin, le rituel funéraire qui est quasiment en train de se mettre en place autour de lui avec et les prisonnières et les femmes du camp grec et la mère. Donc c'est vraiment une scène exceptionnelle et très très émouvante. Ces larmes d'Achille, alors certes, Achille n'a pas le monopole des larmes dans l'Iliade, mais c'est vrai qu'elles sont très présentes, pourraient faire oublier que mourir en guerrier est important pour ces héros, pleurer est important aussi parce que c'est signe de force, mais il faut rester beau. C'est ce que vous disiez, la honte, finalement, c'est d'être défiguré au combat, de ne pas être enseveli. Il y a ce souci de l'esthétique aussi qui peut paraître surprenant. Oui, mais alors ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument magistral dans cette poésie homérique, particulièrement dans l'Iliade, c'est que la mort, elle est effroyable évidemment, mais quand il s'agit de la mort d'un jeune combattant, elle est extrêmement belle. Pourquoi ? Parce que dans cet acte suprême d'héroïsme qui conduit un guerrier à aller vers sa mort, s'il n'est pas victorieux, il est mort, il meurt. Eh bien, il y a tout cet idéal de la jeunesse, de la beauté, de ce corps quasiment parfait qui est stoppé net. Et ce sont toujours des images végétales, c'est-à-dire c'est comme les feuilles d'un arbre, comme une fraîcheur, une vitalité qui s'arrête. Donc le mort en gloire est beau. Et le plus beau de tous, évidemment, sera Hector. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en bonne logique, il devrait être pas mal abîmé, puisqu'il est régulièrement traîné. Achille cherche à assouvir sa colère en le défigurant, en le traînant, en l'abîmant. Eh bien, par chance, les dieux, chaque jour, instillent dans ses narines du nectar, de l'ambroisie. Il est toujours aussi beau, il est toujours aussi frais. Il a la fraîcheur de la rosée, le teint. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. Et la belle mort, c'est ce que Jean-Pierre Vernon a magnifiquement montré, c'est ça, c'est mourir en pleine gloire et en pleine jeunesse. Et à ce moment-là, rien n'est plus beau que cette mort. Je vous ai promis des larmes en début d'émission, et bien en voici encore les larmes d'Achille, cette fois-ci bien réelles, des sanglots qui lui déchirent le cœur, et donc le corps d'Hector, qu'il traîne autour du tombeau de Patrocle et qu'il cherche sans doute à défigurer. Écoutez cette rencontre entre les larmes et la défiguration. Sitôt les jeux finis, chaque groupe se dispersa et regagna ses nefs pour profiter d'un bon repas et de la douceur du sommeil. Seul Achille pleurait, rempli du souvenir de son ami. Et le sommeil ne pouvait le dompter. Il se tournait, se retournait, regrettant la vigueur et la vaillance de Patrocle. Il repensait à tous les maux endurés avec lui, à travers les combats cruels et les flots déchaînés. Plein de ses souvenirs, il répandait de grosses larmes, tantôt couché sur le côté, tantôt face à la terre, et tantôt sur le dos. Ou alors, sautant de son lit, il errait sur la grève comme un fou. Jamais, pourtant, il ne laissait passer les feux de l'aube sur la mer, car c'est alors qu'il attelait ses rapides coursiers et attachait Hector au char pour le traîner par terre. Il le tirait trois fois autour du tombeau de Patrocle, puis s'arrêtait et revenait chez lui, laissant Hector étendu face contre terre. Apollon, cependant, eut pitié de lui, même mort, et préserva sa chair de toute atteinte, en le couvrant de son égide d'or, afin qu'Achille, en le traînant, n'arracha point sa peau. Les larmes d'Achille au chant 24 de l'Iliade sur France Culture, les chemins de la philosophie, lu par François Chaumette. Nous parlons de l'Iliade cette semaine, chaque jour et aujourd'hui en votre compagnie, Hélène Monsacré. Ces larmes d'Achille ici sont décrites avec une telle précision. Tout ce que vous nous avez dit depuis le début de l'émission permet de bien entendre ce texte, hein, l'importance de chaque membre, chaque corps. Et ici, on a un point de vue quasiment cinématographique sur Achille pleurant. Oui. Un plan à droite, un plan de face, un plan de dos, un plan à gauche. Absolument. Et vous remarquerez aussi que pendant le temps des larmes, et non pas le temps du deuil, parce que je pense que ça pourrait prêter un peu à confusion dans cette expérience des larmes que vit Achille, eh bien, il est en dehors de la vie courante. Il ne dort pas. Il ne mange pas. Là, ce passage ne le précise pas, mais une grande partie des vers qui décrivent la douleur d'Achille scandent régulièrement cette absence de repas, cette absence de sommeil. Et ces larmes sont non seulement fortes, chaudes, brûlantes, elles sont aussi, dites à d'autres endroits, florissantes. Elles sont rassasiantes. Tout ça pour dire que ce moment de l'extraordinaire douleur d'Achille, c'est une sorte de vie, non pas végétative, parce qu'elle est au contraire très puissamment décrite, mais les larmes sont une sorte de substitut de la, ce que l'on disait au début, de la vaillance. Et le héros se nourrit de ses larmes. Son cœur s'en rassasie. Ce sont aussi toujours les mots du désir et de l'amour. Mais vous voyez que cette espèce de l'action s'arrête. Achille n'est plus que dans cette expérience du sanglot, de l'expression des larmes qui lui tiennent lieu de... il vit de ses larmes. Il en jouit. Ah, il y a une complaisance, vous pensez, à pleurer? Non, le mot que je souligne, c'est pas pour dire une complaisance, c'est qu'il en jouit au sens, il est habité par ce désir de larmes. Il s'en rassasie, il s'en nourrit, c'est ce qui lui permet de vivre, d'être toujours vivant, mais une vie un petit peu à l'arrêt, et une vie qui est également très fortement qui est étrangement décrite parce qu'il est dans une position de mort. On vient de le voir encore une fois. Il se tourne, il se retourne. Il est la face contre terre. Il ne trouve pas le sommeil, etc. Donc voilà, c'est ce jeu toujours entre cette force qui habite un héros de la dimension d'Achille. Cette force des larmes est aussi puissante que sa force au combat. Et il gémit, il pousse une plainte terrible. Vous voyez, on est toujours dans ce registre. Ça n'est pas parce que Achille est surdimensionné, pourrait-on dire. C'est parce que, à mon sens, très clairement, il a affaire avec la douleur. Des études bien savantes montrent que même son nom, ça a quelque chose à voir avec la douleur et la colère. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il sait que sa destinée, c'est de mourir jeune et que c'est affreux, malgré tout. Donc, il est habité par cette souffrance et il la porte, il l'exprime avec une force et une vitalité tout à fait exceptionnelle. Ce que vous dites, c'est que ses larmes sont signes d'une forme de sagesse de la part d'Achille. C'est qu'il sait qu'il va mourir, c'est une manière de reconnaître sa finitude, le caractère tragique. Absolument. Et sa mère, que l'on évoquait tout à l'heure, Thétis, rêve à un moment, quand elle le console, elle essaie de le consoler, elle rêve d'un Achille sans larmes, ad Acrutos. Mais ça n'est pas possible. Il est trop humain pour ne pas pleurer. Alors c'est intéressant, vous disiez qu'Achille se met à pleurer. Lorsqu'il se met à pleurer en abondance, il ne mange plus. C'est pourtant Achille qui raconte à Priam, au champ 24, le mythe de Niobé. Absolument. Cette femme qui perd ses 12 enfants, 6 garçons, 6 filles, qui est endeuillée plus qu'on ne peut l'imaginer, évidemment. Et qui, dit-il, pendant 9 jours, alors que les enfants gisaient à terre, sanglants, personne n'était là pour les ensevelir, le fils de Cronos avait changé les gens en pierre, ce furent les dieux, fils de ciel, qui le 10e jour les ensevelirent eux-mêmes, et Niobé alors songea à manger. Elle avait assez de pleurer. Eh bien nous aussi, dit Achille, ô divin vieillard, songeons à manger, tu pourras plus tard pleurer ton enfant, une fois que tu l'auras ramené, il te vaudra assez de pleurs. C'est Achille lui-même. Oui, mais parce que cette scène... conseille Priam de manger et de cesser de pleurer. Oui, cette scène admirable du chant 24, c'est-à-dire la fin de l'Iliade, presque la fin, la toute fin, c'est la lamentation autour du corps d'Hector, mais elle est extraordinaire. C'est aussi un moment d'une poésie éblouissante où vraiment les pires ennemis, Priam, le roi, le père d'Hector, le roi de Troie, Achille, l'assassin d'Hector, se retrouve. Et ce que dit Priam au jeune Achille, il lui dit « souviens-toi, souviens-toi de ton père, etc. » Et en se souvenant de son père, Achille accepte de mettre un terme à cette souffrance, il accepte de restituer Hector à Priam, et donc il enjoint, enfin, il supplie même Priam de cesser de jeûner, comme lui-même vient de faire depuis tant de temps, même si c'est très concentré dans le temps, ça court longtemps pendant le poème. Autrement dit, en mettant un terme à la souffrance, il faut retrouver la vie ordinaire. La vie ordinaire commande de dormir et de manger. Et l'exemple de Niobé est extraordinaire là aussi. Pourquoi ? Parce que là, Niobé, c'est le symbole de la mère, de la maternité. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne peut plus se nourrir pendant le temps de son deuil. Et elle ne peut que pleurer. Elle est comme une source. Et non seulement elle est comme une source, mais donc une espèce de passivité, de liquidité ininterrompue, mais elle est aussi comme une stèle, la pierre. Or, la grande question, une des grandes questions de l'Iliade pour les guerriers, c'est de s'assurer une grande gloire. Un kleos, c'est-à-dire une gloire éternelle. Et cette gloire éternelle, elle est souvent, pour ne pas dire toujours, elle reste dans la mémoire des hommes par une stèle. Bon. Donc Niobé, elle est la mémoire absolue. Elle est la mère absolue et elle est la mémoire. Et quand elle est arrivée au terme, quand elle s'est, le texte dit, quand elle s'est suffisamment rassasiée de sa souffrance, elle songea à prendre un repas ou à participer au repas. Et parce que ses enfants ont pu recevoir une sépulture également. Voilà. Et Achille, c'est ça qui est magnifique, dans un suprême renversement, dit à Priam, maintenant toi aussi, vieillard, tu dois te nourrir. Vous voyez, c'est une boucle qui se fait. Et une boucle qui inclut beaucoup de personnes, parce que cette figure de la nourriture, on la retrouve beaucoup dans les personnages féminins, qui sont souvent des mères nourricières. Lorsque Hécube, mère d'Hector, le supplie de ne pas aller au combat, elle lui dit « Hector, mon enfant, aie respect de ce sein et de moi aussi, aie pitié de moi qui t'ai jadis offert cette mamelle où s'oublient les soucis. Souviens-t'en, mon enfant, si tu veux repousser ce guerrier ennemi, fais-le donc de derrière nos murs et ne te campe pas en champion devant lui. » C'est-à-dire qu'elle-même se place en mère nourricière et sa force, parce que Hécube est un personnage très intéressant. Oui. On a dit que les femmes étaient cloîtrées à plaindre en se gémissant. Hécube est forte. Bien sûr. Et sa force passe par son sein. Oui. Mais là, alors, tout à l'heure, on évoquait à très grands traits les traits négatifs accordés, on va dire de façon traditionnelle, au féminin. La lâcheté, la faiblesse, etc., la passivité. Non. Il y a évidemment quelque chose qui appartient en propre aux femmes, c'est la possibilité d'être des mères, la maternité. La maternité, c'est ce qui est au-dessus de tout, d'une certaine façon. Quand les grands guerriers souffrent, parce qu'une blessure, parce qu'une tristesse, etc., ils souffrent, et ça c'est magnifique, c'est Agamemnon, il résiste, la douleur est si forte qu'il est comme une femme en train de subir les douleurs de l'accouchement. La maternité, c'est ce qui est évidemment le plus valorisé. À un autre moment, les Ajax se protègent l'un l'autre. Et on dit que l'un est comme une mère pour l'autre en étendant son bouclier. Le sein d'Hécube, c'est aussi cette façon de dire que une mère est inconsolable quand le fruit de ses entrailles meurt. Donc c'est aussi une image très belle, très humaine, qui fait du bien de temps en temps dans ce poème. Et qui est forte, c'est-à-dire cette féminité qui est dangereuse parce qu'il ne faut pas confondre les affaires d'Aphrodite et la guerre, elle est quand même par moments extrêmement valorisée quand il s'agit de la force et de la toute-puissance d'une mère qui a donné la vie à un être humain. Mais cette force, on la retrouve aussi chez Andromaque, chez Hélène, il y a quand même des personnages féminins très forts dans ce texte. Oui. Mais Hélène n'est pas proprement caractérisée par son... Non, c'est sa beauté. Sa beauté. En tout cas, la maternité, c'est pas tellement quelque chose qu'il a... Vous ne croyez pas si bien dire. Écoutez cet extrait. Alors là, on sort un peu des larmes. Nous avons beaucoup pleuré, beaucoup entendu Achille pleurer, et Cube également. Voici Hélène qui, alors que son cher et tendre Paris, qui a abandonné le combat, elle était blessée par Ménélas, Aphrodite est venue le chercher. Hélène le retrouve et le sermonne. Elle lui demande de retourner à la guerre, c'est après tout la qualité quand même première pour un guerrier. Écoutez la réponse que lui fait Paris, c'est surtout comment ce qui pourrait être une scène de dispute conjugale dans laquelle la femme tient la barre et décide des choses. Écoutez la chute de cette discussion, vous verrez, on est bien loin des larmes et de la beauté absolue de la mère. Dès qu'elles sont arrivées dans le palais splendide d'Alexandre, les servantes se remettent promptement à leurs travaux, cependant qu'Hélène, la toute divine, va dans sa chambre au haut lambris. Et tout en détournant les yeux de son époux, le semonce en ces termes. Te voilà donc de retour du combat. Ah, que tu aurais donc mieux fait d'y périr sous les coups du puissant guerrier qui fut mon premier époux. Ne le nie pas. Tu te vantais de l'emporter sur Ménélas, chéri d'Arès, par ta force, tes bras, ta pique. Allons, provoque donc une seconde fois Ménélas, chéri d'Arès, et tiens-lui donc tête au combat. Moi, je te conseille de t'en tenir là. Cesse de mener guerre ouverte et de te battre étourdiment contre le blond Ménélas si tu ne veux bientôt succomber sous sa lance. Mais Paris ainsi lui répond, ne poursuis pas mon cœur, femme, de durs outrages. Si aujourd'hui Ménélas a vaincu, c'est grâce à Athénée. Une autre fois j'aurai mon tour, Nous aussi, nous avons des dieux pour nous. Allons, couchons-nous et goûtons le plaisir d'amour. Jamais encore le désir n'a à ce point enveloppé mon âme. Pas même le jour où, pour t'enlever de l'aimable Lacédémone, je pris le large dans mes nefs marines, et, dans l'îlot de Cranaé, je partageais ton lit et ton amour. Non, non, jamais autant que je t'aime à cette heure, et que me tient le doux désir. Il dit, et se dirige le premier vers le lit. Son épouse l'y suit. Là où Paris, c'est très fort à l'Edmond Sacré, c'est qu'il transforme les remontrances d'Hélène, de sa femme, de celle qu'il aime, en moteur pour le désir. Parce que quand même, disons-le, les héros pleurent, mais ils savent jouir aussi. Bien sûr, mais n'oublions pas que cette espèce de combat singulier assez grotesque, pour ne pas dire comique, qui a quelques vers qui a précédé. Plus haut, opposé Paris à Ménélas, donc les deux époux d'Hélène, le Troyen et le Grec, ce combat à armes inégales a été interrompu parce que Paris était en si mauvaise posture qu'il allait sans doute périr. Aphrodite vient... La déesse de l'amour. La déesse de l'amour, la déesse du désir, la déesse des affaires intimes, privées. Nous sommes revenus à l'intérieur du palais, pas seulement à l'intérieur du palais, à l'intérieur de la chambre à coucher. Et bientôt dans le lit. Et dans le lit. Et là, c'est tout à fait ce jeu très, très, très séduisant entre le monde d'Arès. Paris a bien dit Ménélas, chéri d'Arès. Arès, c'est la guerre. Arès, c'est la guerre. C'est le dieu de la guerre. Et lui, il est sauvé par la déesse de l'amour et de la douceur et de la séduction. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Hélène n'a pas l'air absolument... Contre. Ni contre, mais elle n'est pas non plus... ne trépigne pas d'impatience. Elle le suit. Oui, le texte dit « son épouse l'y suit ». C'est voilà. Vrai qu'on ne sait pas ce qu'elle en et pense. Et ce qui peut être intéressant de dire maintenant, c'est que là, on a vraiment une magnifique inversion. Oui, dans le même moment, Hector va rentrer dans la cité de Troie pour rencontrer le conseil des anciens, etc. Il ne pénètre pas dans la chambre à coucher. Il est toujours au bord. Il est resplendissant dans son armure, alors que Paris, lui, est resplendissant sur son lit. La déesse Aphrodite l'a paré de toutes les grâces, ses cheveux brillent, son œil est clair, etc. Donc là, vraiment, on voit comment les affaires d'Aphrodite, c'est tout sauf la guerre. Et un autre moment du poème, qui est également presque comique, il n'y en a pas tant que ça dans l'Iliade, Aphrodite s'égare littéralement sur le champ de bataille. Et Diomède, qui est un très puissant guerrier grec, assez sauvage, la blesse, la touche à peine au poignet. Évidemment, instantanément, elle quitte le champ de bataille et elle va se faire consoler en pleurant, on pourrait presque dire pleurnichant, par son père qui lui dit « Ma fille, les affaires de la guerre, ce ne sont pas tes affaires. » Donc, si vous voulez, là, clairement, Paris, c'est un coureur de femmes. C'est une de ses épithètes. C'est un homme très soucieux de sa parure, de son esthétique, mais pas tellement du combat ni des armes. Et enfin, pour terminer il est un archer. C'est un problème ? Et c'est un problème parce qu'un archer n'est pas à proprement parler un héros, un combattant courageux. Il se cache, il est toujours derrière et il tire souvent ses flèches dans le dos. Ce qui n'est pas le modèle de l'affrontement entre deux champions. Bon, les héros de l'Iliade pleurent, mais ils n'en sont pas moins tributaires de codes extrêmement précis qui enferment aussi une forme de masculinité. Un grand merci à vous, Hélène Monsacré, d'être venue nous en parler aujourd'hui. Mais c'est moi qui vous remercie. D'Hélène de Troie à vous, Hélène Monsacré, jusqu'à l'Hélène d'Offenbach, avec laquelle nous allons nous quitter. Honte de cesse ! Mon mari ! Ma femme ! Là. Là, ici, sur la terrasse. Là, dans les bras d'un esclave. Vous, de retour. Mais sapristi, cet esclave. C'est un beau pays, la Crète. C'est le seigneur Paris. Dites-moi, comment trouvez-vous ça? Je la trouve plutôt mauvaise. Comment le seigneur Paris, à cette heure-ci, dans le gynécée, seul avec ma femme, à moi? À moi! Mais taisez-vous donc! Je ne me tairai pas! En pareil cas, cependant, un mari... Un mari ordinaire, soit, mais je ne suis pas un mari ordinaire, moi! Je suis un mari épique! Raison de plus! Je veux que dans 4000 ans, on parle encore de cette affaire-ci! Pourquoi ça? C'est mon idée! Mais mon ami, les rois sont là, ils soupent à côté! Ah, ils sont là! Et si vous faites du bruit, ils vont venir! Qu'ils viennent! C'est ce que je veux! À moi, roi de la Grèce! À moi! En pareil cas, mieux vaut se taire. Fatalité, à moi. Seigneur, répondez-moi, roi de la Grèce, vous qui deviez veiller sur la princesse, qu'avez-vous fait? De mon honneur, qu'avez-vous fait? De mon honneur, de Le but de cette série d'émissions, chers auditeurs, est de vous inviter à lire l'Iliade d'Homère, quelle que soit la traduction, celle de Pierre Judé de Lacombe, que nous avons utilisée lundi et hier mardi, celle de Paul Mazon, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres, dans une édition et avec des notes, de mon invité aujourd'hui, Hélène Monsacré, dont vous pouvez également lire le livre « Les larmes d'Achille, héros, femmes et souffrances » chez Homère, aux éditions Le Félin. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est grand temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour tout le monde. Pour votre journal de la philo aujourd'hui, vous revenez sur l'engagement et l'investissement si précieux de nos professeurs de philosophie dans les écoles. Adèle, vous le savez, les premiers jours de septembre, c'est la rentrée. Les feuilles jaunissent, les jours raccourcissent, les bogues tombent des marronniers. Mais c'est aussi, pour toute une classe d'âge qui atteint la classe de terminale, la découverte d'une matière nouvelle, inconnue et étrange, la philosophie. Cette découverte par des milliers d'élèves de cette matière nouvelle, c'est aussi la rencontre de leur nouvelle classe par des centaines de professeurs. Le professeur de philosophie, en effet, n'a que des classes de terminale. Chaque année, il rencontre ses élèves pour la première fois et sait qu'il ne les reverra pas l'an prochain. Il n'a pas, comme le professeur d'histoire, des élèves qu'il a déjà eus l'an dernier ou 2 ans auparavant. Il sait que son temps est limité. Il a 1 an, et même moins, plutôt 9 mois. 9 mois de gestation pour faire naître quelque chose en eux, qui n'existait pas auparavant, ou plutôt qui avait toujours existé mais dont il n'était pas conscient. La philosophie a à voir avec la gestation et l'accouchement. On le sait depuis Socrate, qui aimait lui-même à rappeler qu'il était fils de sage-femme. C'est à ces professeurs de philosophie et à leur mission sacrée que je voulais rendre un petit hommage aujourd'hui. Une mission, et oui, pour un grand nombre d'entre eux, l'entrée en philosophie était une entrée en mission. Une mission impossible, où le message risque fort de s'autodétruire dans 9 mois. Mais aussi, peut-être, une mission évangélique, où l'on répand ce drôle d'évangile qu'est la philosophie, où l'on essaie de faire naître à eux-mêmes des jeunes gens et des jeunes filles. Le plus souvent, statistiquement, cela n'arrive pas. Le professeur n'est pas bon, l'élève n'est pas réceptif. Mais quand cela arrive, il n'y a peut-être rien de plus bouleversant que cette conscience jeune qui accède à une dimension nouvelle de la vie et de la pensée. Mais de quoi s'agit-il ? La philosophie est cette discipline étrange qui entend répondre aux grandes questions que se pose l'espèce humaine au moyen de la raison. Bien sûr, la raison, la faculté de raisonner, est à l'œuvre dans les sciences, au moins depuis Galilée. Mais les sciences se servent de cette raison pour expliquer comment fonctionne le monde. La philosophie, elle, essaie, à l'aide de cette même raison, de comprendre le pourquoi du monde, son sens et non son fonctionnement, son comment. Elle est une exigence de rationalité, mais souvent, cette exigence s'avère impossible à maintenir jusqu'au bout. Socrate reconnaît que tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Platon a recours au mythe pour expliquer les choses les plus mystérieuses de la réalité. Wittgenstein écrit qu'au-delà de notre langage, il y a quelque chose qui ne peut plus se dire, mais seulement se montrer. C'est le mystique, écrit-il. Pascal déclare qu'il y a un ordre de la charité qui est différent de l'ordre de la raison et supérieur à lui, auquel la raison ne donne pas accès. Heidegger, lui, voyant que la raison calculante est en train d'amener à la dévastation du monde par la technique, déclara que seul un Dieu peut nous sauver. Que l'exigence d'une compréhension rationnelle du monde soit condamnée à échouer ne doit pas nous empêcher de continuer à la porter, à essayer. C'est le sens de la démarche philosophique depuis 2500 ans qu'elle se prolonge, exigence trop élevée qu'on ne peut satisfaire pleinement, mais à laquelle nous ne renonçons pas. Que le sens de notre présence sur Terre soit accessible à la raison, à la pensée, c'est là l'espoir fou qui anime la philosophie. Et c'est cette petite flamme vacillant dans la nuit que le professeur de philosophie, à chaque rentrée, va essayer de maintenir allumée ou de ranimer en chacun de ses élèves. Peut-être arrive-t-il trop tard, 17 ans c'est très jeune, mais n'est-ce pas déjà un âge très avancé, une période de temps déjà longue où ont pu se sédimenter les préjugés, les ignorances, les prêts-à-penser de notre époque ? Que peut un seul professeur, une seule matière, en 9 très courts mois, contre le travail de 17 ans et de toute une société, des parents, des amis, de la télévision, des réseaux sociaux ? Sans doute pas grand-chose. Et pourtant, la République a estimé que c'est à cet âge-là que les jeunes garçons et les jeunes filles devaient être mis en contact de la philosophie et de professeurs de philosophie. Elle a estimé que quelque chose pouvait se passer. Oui, le miracle peut avoir lieu. Au cours des 9 mois que dure une année de terminale, le professeur de philosophie peut réussir à apprendre à des jeunes gens à raisonner, à penser, à utiliser des arguments. Il les préparera au baccalauréat, mais peut-être aussi, plus largement, au dur métier de vivre. Il éveillera en eux une petite étincelle, l'étincelle de quelque chose, d'autre chose que ce dans quoi ils vivent. Alors, quand ce miracle a lieu, le professeur de philosophie fait en toute légalité ce qui avait valu la mort à Socrate. Il se fait le corrupteur de la jeunesse en introduisant de nouveaux dieux dans la cité. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Anaïs Isbert, Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Sharon Houry, Nicolas Berger qui réalise cette semaine. C'était Nicolas Delmas à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite et fin de notre série sur l'Iliade de Homère. Demain, nous serons en compagnie de la professeure Judith Pérez qui nous apprendra à philosopher contre les dieux. Un programme assez alléchant. Ce sera demain à 10h, mais d'ici là, pour écouter cette émission, ainsi que celle de cette semaine sur l'Iliade, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez soit réécouter l'émission en ligne, soit la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez avec la personne de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Instagram, Facebook, où nous attendons vos nombreux remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.